face au rap, non pas de morale que je viens faire. Je vous fais juste un bisou. Ça rappe trop sale pour être vedette ou pour le but d'un zizou. Entre les durs à cuire et les humains si doux. Quand je vois Soral, je fais plus la diff entre une quenelle et entre un juste un bridou. Hein? Ici la pif est pas le chien, mauvais geste, les fesses se tournent, fictif ami, t'es pas le mien. Pas d'une équipe de martiens, au Mimimati c'est le gardien. Le capitaine c'est Michel Ebb, suivi de Patrick Sébastien. Si je m'active, je taffe bien que ça devienne rare que l'argent entre en trop. Hein? Quand la haine parle, c'est rage, l'homme sans le faux. Prends soin des tiens, très loin des chiens, les sages en ont son tôt. Hardcore comme l'homme ignorant que sa femme fait 4 enfants dans le dos. Poteau, y'a trop de phobies de façon manipulée comme au mono. Pour les garçons, l'homme rêve monopolisation. Je demande l'autorisation, lâche pas trop vos lobbies de maçon. Monotov promis, faut que la lobotomisation. Et quand je mate, c'est que les sales porcs causent. L'état vole l'or, mais t'as leur norme. Un tas de morts d'hommes, un tas d'hommes pauvres, donc je métamorphose. Quoi? À mes cris, je passe à l'attaque, grâce à la live, j'apprends comme l'Algérie face à l'Allemagne, face à CLM au grand homme qui passe des nuits face à la dage. Joue pas les lâches dans le favela, c'est l'as les riches, passe pas la main. Non, faudra pas que tu t'étonnes, monotov. Faut 4 centiménique, laisse ma trace comme une belle dans le monotov. 400 millilitres. Au graffeur, au rappeur, au DJ, au beatmaker, popo, top, un tas de gens qui militent. J'suis comme bloqué dans les starting blocks. Hopé dans les parties avant de partir de la parking. Sol partir dans une partie de Glock. Par un bâtard qui me bloque, c'est pas si drôle. Préfère rigoler à la partie, me sol. Ça se voit pas, mais t'as vu ici ça caille. J'me réchauffe quand ça va pas. J'mets la musique dit ça caille. Ils abusent, les filles ça passe. J'la raconte sur Facebook, Instagram. S'en rendent pas compte, et sur chaque compte, ils mettent ou même la graille. J'te laisse, couse, tiens, la frappe. Quelques mots de l'émotion comme un Mozart ou des bouquins de la fac. Cousin ça rappe, j'aime la chaleur de chaque république. Manque de respect à personne aux valeurs de la république. Faut que les rappeurs veulent aller plus vite. Que la musique te parle du zim et te souhaite le malheur de Stanley Kubrick. On les connaît, ceux qui ont bricolé les claustrophobes. Voir un gardien de la paix qu'emprisonner les claustrophobes. Je les comprends, ce qu'ils font que pilonner des doses trop fortes. Ticoler des lobes ou pissonner des boss trop glauques. Fuck, cliché d'Alibaba et les 40 voleurs. La plupart des familles arabes c'est des 40 bonheurs. Et c'est pas sans l'honneur, pas sans solide esprit. On combattra l'ennemi comme ceux qui veulent abolir l'ethnie. Quand je vois la police, j'esquive, évite la folie, je t'explique. On a vécu des faits divers, pourtant poli ou polytechnique. Les vades avec du rap, du plus calme au plus déter. J'aime parler d'art, pas parler d'art, quand elle disert, t'y gueule. C'est grillé, c'est pas sur ça que je voudrais que mon sens limite. Avec la bêtise, les conjonctes si vite. À l'encontre de la rencontre d'Iblis. J'en vois rapper, mais le fait de gratter, ça les gratte. Comme s'ils avaient la conjonctivite. Le sale tombe dedans facilement. Beaucoup de tendance à siffrant. En attendant, je pratique sans. Je garde mes valeurs et mes principes, cependant rapidement. Tu peux oublier ta provenance, tomber dans l'enracinement, nous. On se chauffe, on coule, ils en aiment la CNC. La victoire que l'on vise comme Roland Courbis au MHSC. On taffe le verbe et le champ lexical dans le BPM. On lâche pas l'affaire comme Tenchin en dans des BZ en effet. Cette année y'a Dragon Rage qui a marqué les charts. Achète ou télécharge, viens au concert et vas-y fais les bacs. Pour foutre le feu y'a pas de mille options. Un grand merci à des Pawan, mon gars demi-portion.